souviens, tout un été, la main dans la main. C'était le dernier, mais tout me revient, tout un été, quand Paris s'éteint. Le long des quais au petit matin, juste un croissant, un café, et nous étions si bien. On s'endormait au Champ de Mars, sans même penser au temps qui passe. Oh yes, c'est l'époque où on voulait faire l'amour et pas la guerre. On était libre, on comptait bien le rester, jamais grandir pour ne jamais s'attacher. Mais pour finir, sur le cœur on a tout misé. Et je me souviens, tout un été, la main dans la main, des Champs-Élysées jusqu'à Saint-Germain, tout un été, Paris me revient. Père de famille et supporter, et tu t'appelles Henri. Là tu m'achèves. Toi qui étais le héros de mes rêves. Et je me souviens, tout un été, la main dans la main. C'est un...